Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous écoutez l'émission Le Terminus en ce lundi 10 février. On a commencé l'émission avec un petit changement du programme. On a des petits problèmes de mise en onde. Maintenant, c'est rétabli. Ben, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite un bon début d'émission. L'émission Le Terminus, c'est une émission qui est dédiée au rock indépendant. On va entendre plein de bonnes choses ce soir. Beaucoup quand même de nouveautés, des singles d'albums ou mini-albums qui sortent dans les prochaines semaines. Vous voulez des noms? Oui, je vous en donne. Il va y avoir du Minor Alps. Ça, c'est pas tellement récent. Ça date de l'automne passé. On va entendre de Stevens, Frank et le Cosmos, du Bear Grylls, également Eating Out et plein d'autres choses. Et comme à l'habitude, la liste des chansons qui aura tourné pendant l'heure sera disponible à la fin sur le CISM893.ca. Et on avait commencé l'émission avec The Shoots, une formation anglaise, et la jolie chanson Echo of Love. Il y a un très joli vidéoclip également qui a été fait pour cette chanson-là, qui est paru sur le EP du groupe qui s'appelle Echo of Love, justement, paru donc en 2012. On va continuer avec des trucs assez pop. Deux prochaines chansons, encore une fois, aux allures de pop indie pop. On va y aller tout de suite à l'instant avec Philémon Simon, qui sortait il y a pas tellement longtemps un nouvel album. On va entendre... On n'entendra pas la chanson qui tourne sur les ondes de CSM habituellement. On va entendre plutôt la chanson au cinéma. Donc, on écoute ça à l'instant. Philémon Simon, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CSM. Thank you. C'était Black Cat de Louise Pop, une formation autrichienne qui, sur sa page Facebook, se dit influencée par The Drums, Le Tigre, New Order et Patti Smith, tout ça en même temps. Ça donne Louise Pop. Vous pouvez les retrouver sur louisepop.bandcamp.com pour entendre, entre autres, leur album This Is Habit qui sortait il y a 2 ans. Très, très bon album. Et juste avant, on entendait également Philémon Simon avec Au Cinéma, une chanson qui se retrouve sur son nouvel album L'été. Et une chanson aussi pour laquelle il y a un clip assez joli qui a été lancé il n'y a pas longtemps, qui en gros, en fait, c'est Philémon Simon qu'on voit en train d'écouter différents films, en fait, qui est au cinéma, hein, comme la chanson le dit. Donc c'est disponible, je crois, sur Vimeo pour la chanson Au Cinéma de Philémon Simon. On continue maintenant avec un groupe de Brooklyn qui, eux, donnent dans le shoegaze. Ouais, c'est ça, ils sont... c'est ça, ils s'appellent Invisible Days. On va entendre la chanson Needles, et ça précède un premier album complet que Invisible Days vont sortir, il semblerait, dans les prochains mois, en 2014. Donc, on écoute à l'instant, à l'émission Le Terminus, Invisible Days, Needles. Tonight. C'était Minor Alps avec Mix Feelings. Et non, c'était pas du Nada Surf, même si la voix y ressemblait étrangement. En fait, c'était le chanteur de Nada Surf et son autre projet, Matthew Cause, leader donc de Nada Surf, qui a cofondé avec Juliana Hatfield ce groupe-là, Minor Alps, qui a sorti le premier album l'année dernière, Get There. Et c'est ça. Et Madame Juliana Hatfield, habituellement, elle fonctionne en carrière solo. Il semblerait donc qu'il y a d'autres projets qui émanent de Nada Surf. On ne sait pas trop ce qui se passe ces temps-ci. Le dernier album date quand même d'il y a quelques années. Enfin, c'est à suivre. Et avant ça, on a entendu Mavis Gary, un artiste de la Nouvelle-Zélande, avec la chanson « Pin Me Up ». On va continuer avec, dans le prochain segment, vous allez entendre du shoegaze mexicain en espagnol. Vous allez voir, c'est assez spécial. Mais on commence à l'instant avec... Glacier, un groupe que j'aime beaucoup quand même. Ils ont sorti un premier démo en 2012 et à l'automne dernier, ils ont sorti un 7 pouces sur lequel se retrouvent deux chansons, dont celle qu'on va entendre, elle s'appelle Wolves, la formation Glacier, à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Et je m'appelle Jean-François Lusignan, je suis avec vous pour vous présenter ces chansons-là, ces albums-là, ces groupes-là qui tournent pendant l'heure. Et ce que vous venez d'entendre, c'était The Stevens avec Worse Every Day de leur album History of Hygiene qui est sorti l'automne dernier. Et si vous aimez le rock nonchalant, un peu slacker rock, The Stevens, c'est pas mal le groupe pour vous. Je vous invite à aller écouter leur album. Puis dans les dernières minutes, vous avez également entendu la musique de Pyjama Party. Je prononce quand même bien Pyjama Party, un groupe de Mexico qui fait du shoegaze en espagnol. C'était la chanson Suertudo de Mierda, qui veut dire putain de chance. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on continue avec du grunge de l'Ouest canadien. Oui, les deux prochains groupes viennent de ce coin-là. Le premier s'appelle Heating Out. Ils viennent de Vancouver, pour être plus précis. Ils sont signés sur le label de Seattle, Suicide Squeeze Records. On écoute la chanson Burn, Heating Out, sur le 89.3 CISM. We'll be right back. Bear Grylls avec Grow Hair During Flood. Ça se retrouve sur leur premier album Friends qui est sorti au début du mois de janvier 2014. Ça fait vraiment pas longtemps. Avant Bear Grylls, il y avait également Fontaine, un groupe de Victoria en Colombie-Britannique. La chanson Jesus 99 et on avait commencé le segment avec Eating Out de Eating Out, le groupe, avec leur chanson Burn. Ça se retrouve sur un 7 pouces du même nom qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps sur Suicide Squeeze Records. On va continuer avec deux chansons en français à l'entendre dans les prochaines minutes, Franck et le Cosmos, mais on débute tout de suite avec Mordicus, groupe du coin de Chicoutimi, tout comme Franck et le Cosmos. Et Mordicus vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Cri Primal, ouais. Ils seront en spectacle à Montréal le 29 mars au Quai des Brumes pour faire la promotion de cet album-là. On écoute la chanson qui ouvre l'album, Le Roi Soleil de Mordicus, à l'instant, à l'émission Le Terminus. Sans réponse, dans l'irrationnel, la vérité personnelle. Alors je crois en moi et peut-être en toi. J'aimerais savoir qui contrôle le temps. Vivre selon un plan peut être rassurant. We'll be right back. machine, machine à machine, et tété la tétine, qui cherche à respirer. Avalé par le divan, cancellé pour toujours, aspiré par le néant, ne plus rien faire du jour. Accablé de Franck et le Cosmos, qui, dans la vie de tous les jours, s'appelle François Harvey. Et je le disais tout à l'heure, pensant à jouer, en fait, que l'album sur lequel se retrouve cette chanson-là, La Machine à Pop, eh bien, a été enregistré dans le sous-sol du 177 rue des Lilles à Chicoutimi-Nord pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 2012. Donc, ça nous en donne un peu plus, ça nous en dit un peu plus sur cet album-là qui est enregistré dans un sous-sol de Chicoutimi-Nord. Et le groupe qui jouait juste avant, avant Franck et le Cosmos, c'était Mordicus, un autre groupe de Chicoutimi, et leur chanson « Le Roi Soleil » de leur nouvel album qui vient de sortir. Dans quelques instants, c'est vrai, Romane Blouin va être là avec vous. Pour l'émission « Nous sommes les rockers », elle aura même, je crois, un invité, un membre de PiPi qui sera là pour parler du nouvel album, j'imagine, de la formation. Soyez-y dans quelques instants. Donc, sinon, pour retrouver la liste des chansons qui a tourné pendant la dernière heure, ça se retrouve dans quelques instants sur le cism893.ca. Sinon, il y a les archives de l'émission sur leterminus.ca. On va se quitter avec du rock instrumental. C'est le groupe L1011 qui vient de sortir un mini-album qui s'appelle For Emily. On va entendre la chanson Nova Scotia qui ouvre le mini-album. Et sinon, ben, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour Le Terminus. Ciao!